Le monstre par J.H. Roney. Harriet Irondale, en descendant l'escalier avec sa petite Madge, rencontrait souvent un monstre, une femme au visage dévoré par un mal si hideux que le cœur défaillait en la regardant. Cette femme cachait d'ordinaire son visage sous un grand voile noir. Sa laideur lui avait valu de passer pour sorcière dans le voisinage. L'horrible lèpre, au bas peuple, semblait le signe d'une puissance souterraine. On l'accusait de marmotter des sorts, de faire manquer les mariages, de donner des maladies et de rendre fous les enfants. Harriet rêvait d'elle la nuit dans ses cauchemars. Elle était poursuivie à travers des rues branlantes, sur des ports, aux rives de vieux canaux, dans des brouillards, tenant Madge désespérément contre elle, tandis qu'un pas étouffé venait derrière elle, infatigable. Elle finissait par tomber et quelque chose de visqueux et de velu montait sur elle, chuchotait abominablement. Elle s'éveilla alors en sueur et pensait à la Barrow. Or, celle-ci s'était prise d'affection pour l'enfant sans qu'Harriet osât s'en montrer fâchée, dans la crainte d'une ténébreuse vengeance. Chaque fois que la sorcière rencontrait la mère et la fille, elle criait « Oh, mam, je n'ai jamais eu autant d'amour pour personne que pour ce petit ange !» Harriet tressaillait d'horreur, mais Madge jetait du bout de ses petits doigts un baiser à la monstre. « Oh, la petite fée, la petite fée !» criait celle-ci. Elle avait cependant le bon esprit de se tenir à une petite distance, et elle ne prit jamais l'enfant dans ses bras. Mais son affection était sincère. Elle guettait l'enfant, elle vint plusieurs fois chez Harriet, rien que pour contempler Madge. Elle lui criait, à distance, mille tendresses, apportait des gâteaux soigneusement enveloppés, et ses yeux luisaient de passion, elle tremblait d'envie lorsque d'autres caressaient Madge devant elle. Madge répondait à cet amour de la réprouver. Elle était toute joie à son arrivée, allait au-devant d'elle, bégayante, tirait ses jupes et insistait pour donner un baiser de ses petites lèvres fraîches sur la face croûteuse de son amie. Et l'autre palpitait de joie. Toute une vie de tendresse refoulée, d'expansion écrasée par les moqueries et les mépris revenait dans son triste regard. Or, un matin glacé, Harriet laissa Madge seule pour aller chercher du pain, des pommes de terre et un quart de beurre. Elle comptait être absente 3 ou 4 minutes seulement. Madge jouait avec une feuille de chou et 3 pelures de carottes. Harriet ferma la porte négligemment et descendit en courant. Chez le marchand de beurre, il fallut attendre quelques minutes, la boutique étant encombrée. Lorsqu'elle revint, la porte était large ouverte et Madge partit. La jeune femme fit 3 ou 4 fois le tour de la chambre d'un regard fou, dilaté, laissa rouler par terre le pain, le beurre et les pommes de terre, et poussa un cri bas, effrayé. Tout à coup, il lui parut entendre le rire aigu de Madge. Elle écouta. C'était en bas, dans la cuisine, chez Mrs. Barrow. « Mon sauveur, damnée sorcière, je veux savoir ce qu'elle a fait avec mon enfant. » Elle passa de vieilles socles trouées, descendit silencieusement l'escalier, et le marmottage de l'enfant, les mots superlatifs de Mrs. Barrow lui parvenaient par lambeaux. Elle se trouva enfin à la porte de la cuisine. La porte avait un demi-pouce d'entrebâillement. Harriet, enhardie subitement, repoussant la crainte, en réaction vers la bravade, espionna. Sur un petit tabouret en triangle, recouvert de vieux Brussels carpet, cette gamine de Madge, carrément assise, dévorait une tranche de pain sucré de cassonade et beurré. Elle était toute expansive, interrompant ses bouchées pour rire, crier, dire une incompréhensible histoire à l'hôtesse. Celle-ci, assise aussi, à distance, au fond de la cuisine, tenait un couteau et un pain était devant elle sur la table. Par une précaution qui émut Harriet, elle tenait le couteau dans un bout de gazette et un carré de toile propre couvrait le pain à l'endroit où elle devait normalement appuyer la main lorsqu'elle découpait. Madge finit sa tranche. Un autre morceau, dit l'hôtesse avec une bonne grâce extrême. Pioupiz, dit Madge. Mrs. Barrow coupa avec des précautions touchantes dans le pain. Ses yeux étaient d'une grande douceur. Elle les détachait rarement de Madge. Oh, comme votre mère a tort, darling, de penser que pauvre Mrs. Barrow risquerait votre aimable petite santé. À la tendre inflexion, Madge se leva, voulut courir au monstre, la caresser. Non, non, fit l'autre avec quelque effroi. « Restez là, doux cœur. Voici un autre morceau pour vous, beauté, canard, avec votre jolie petite boule. » Mais, pensait Harriet, la sorcière n'est pas méchante en vérité. La petite main de Madge se levait. Mrs. Barrow y déposa prudemment le morceau de pain. Elles étaient en ce moment toutes deux, l'enfant et l'hôtesse, tournées à moitié vers la porte. « Quoi ?» se dit Harriet. « Est-ce possible ? By Jove !»« Oh, une chose bien singulière. Voilà que l'œil de la chérie et l'œil de la Barrow étaient semblables, absolument, de forme, de couleur, de lumière. « En jurant fille et mère !» pensait Mrs. Harriet. Une épouvante discrète entra au fond d'elle. C'était bien là de la magie, n'est-ce pas? Que cette charmante tourterelle alla ressembler à ses damnés plus qu'à sa propre mère? La voix tendre, légèrement chanteuse de l'hôtesse coupa les pensées barbares de la jeune femme. Le monstre disait « Madge, si j'étais riche, oh si j'étais riche, j'irais dans Hackney Road, chez Faulkner, et j'achèterais là de la soie, du velours, de la dentelle, et puis j'irais chez l'épicier et chez le boulanger. Et dans la boutique de pâtisserie, et j'achèterai des petits pains, des gâteaux, du beurre, des œufs, du sucre. Et la soie, le velours, et la dentelle et les gâteaux seraient pour Madge. Et une tailleuse la ferait plus jolie encore qu'elle n'est. Et Madge mangerait les gâteaux. Oui, dit Madge. Eh bien, Madge, prions. Il écoute. Dites après moi, Madge, Dieu. Dieu. Donnez à Mrs. Barrow. Doemibé. Au cou ou rien, pour habiller Madge. Où y aimer ? En entendant cela, Harriet laissa aller sa tête contre la muraille et se mit à pleurer silencieusement. Ah, pauvre diablesse, quelle honte de l'avoir crue sorcière. Ce fut un méchant, un sale soupçon. Et misère comme elle était, donner ainsi son pain à Madge et souhaiter de la nourrir de gâteaux et de l'habiller de soie. Ah, pauvre diablesse. Mais elle essuya son visage. Fit quelques pas en arrière, ôta ses socques, les fourra dans sa poche, revint en faisant un peu de bruit. Elle frappa la porte. « Entrez !» La Barrow vint au devant d'elle, effarée, confuse, tout de suite commença des excuses. « Vous ne voudriez pas le croire ? J'étais là, assise à réparer une boutonnière et, tout d'un coup, que vois-je ? Madge, l'ange, Madge toute seule, qui poussait ma porte. Je n'ai pas eu le cœur de la renvoyer. Je n'aurais pas pu. J'étais si saisie. Excusez-moi. Ne le mentionnez pas, ma'am. » Et Harriet s'accouda volontairement à causer avec le monstre, à écouter les confidences de l'âme acide, ses colères contre le voisinage, la violente vengeance germée derrière la gangrène, l'affreux bas-fond d'une âme reléguée dans la solitude de l'horreur, pourchassée par l'insulte, sans une seule sympathie, tapis là, à pourrir, miette à miette, sous l'acharnement de la nature et de l'humanité, ligué contre sa pitoyable carcasse. C'était Le Monstre par J.H. Roni.